Bonjour à toutes et à tous, c'est Michel pour sa chronique du jeudi matin sur RGM. Et aujourd'hui, je voudrais parler de l'eau des grès du Trias inférieur, dans le sud-ouest vosgien. Alors de quoi s'agit-il? Parce que bien sûr, quand on parle des GTI, pour la plupart des personnes, ça représente quelque chose d'assez ésotérique. C'est une nappe captive surexploitée. L'eau du grès du Trias inférieur est en cours d'épuisement à Vittel, Contrex, Bugnéville. Deux industriels, Nestlé et l'Ermitage, prélèvent à eux seuls 47% et Nestlé est responsable de plus de 80% du déficit depuis 1992. Voilà, le tableau est dressé. Du problème de cette eau, où on puise de manière surexploitée. Le 26 avril 2016, la commission locale de l'eau, présidée par Mme Pruvost, conseillère départementale ayant succédé à M. Gauthier, fait voter le remède à ce déficit, c'est-à-dire le transfert d'un million de mètres cubes à partir d'autres territoires des Vosges. Cette solution est retenue unanimement par l'instance, à l'exception, bien sûr, de quatre associations qui constitueront ensuite le collectif O88. Ce collectif dénonce la situation, le conflit d'intérêts lié à Mme Pruvost, à Nestlé par son mari, Bernard Pruvost, cadre dirigeant chez Nestlé Water. Elle demande aussi le remplacement de la vigie de l'eau, porteuse du schéma d'aménagement de l'eau, présidée encore à ce jour par Mme Pruvost, est fondée par des proches de Nestlé en 2007, avec un financement de 300 000 euros. Ces éléments sont relayés par certains médias nationaux, Canard enchaîné, Figaro. L'association Anticor fait un signalement au procureur de la République. Mme Pruvost fait depuis l'objet d'une enquête préliminaire pour prise illégale d'intérêt. Les associations ont été entendues à l'automne 2017 par la gendarmerie de Neuchâtel. En 2016, une nouvelle présidente de la CLE, Commission locale de l'eau, est nommée. La vigie est remplacée par le conseil départemental. Tout peut donc redémarrer. Mais en 2017, c'est bougé sans avancer. C'est pas moi qui le dis, c'est Vosges Nature Environnement. Une année des gesticulations, dit VNE, basé sur la concertation, il faut concerter pour trouver une solution acceptable à tous. Fin 2016, est mis en place un comité de pilotage, 21 membres, du schéma directeur des ressources en eau, porté par le conseil départemental 88, chargé de travailler sur des solutions de substitution envisagées par deux bureaux d'études, missionnés à cet effet, coût 240 000 euros. Enfin, les bureaux d'études, devrais-je dire, sont à la mode et coûtent relativement cher aux collectivités territoriales. Mais il faut bien que tout le monde travaille. C'est moi qui l'ajoute. Je continue. Début 2017 est décidée également la mise en place d'un comité de pilotage de la concertation de 11 membres portée par le CD 88 qui vise à fournir des propositions pour construire le SAGE. On choisit un consultant, York Von Korff, coût 40 000 euros, venant de Montpellier, c'est le cabinet, pour organiser cette affaire. Première étape, définir les modalités de la concertation. Deux journées en juin y sont consacrées. Plusieurs scénarios sont évoqués, on va même jusqu'au jury citoyen qui est retoqué pour sa lourdeur et son coût. L'animateur s'entretient ensuite individuellement avec 19 personnes, membres ou non de la commission locale de l'eau, en juin 2017. Finalement, le 12 septembre 2017, la CLE arrête les modalités de la concertation en parachevant l'œuvre par la mise en place d'un groupe de concertation de 22 membres, dont trois associations du collectif O88, et d'un groupe de suivi processus qui n'aura rien à faire. Trois réunions de travail d'une journée avec repas convivial sont programmées. 26 octobre 2017 pour partager les données historiques ainsi que les données pertinentes. La majorité des membres de la CLE ne connaît pas le dossier. 9 novembre 2017, pour échanger sur les thématiques qui auront été identifiées, transferts, en termes de besoins et de souhaits. 27 novembre 2017, pour échanger sur des solutions possibles. Une date est positionnée en décembre, si nécessaire, elle ne servira pas. Le but de la manœuvre est clair, noyer les 4 associations dans un océan de voix favorable au pipeline. La manœuvre est un échec puisque les associations profitent de cette tribune pour faire valoir leur position grâce à un document remis à tous, positionnement associatif SACH-JTI, pour faire prendre conscience d'une alternative possible, ressources Make-el-Calc sous les pieds de Vittel et Contact Civil avait été écartée par le comité technique de la CLE en 2013. Donc sans débat à la CLE. Et que Nestlé avait bénéficié d'autorisation à hauteur de 300 000 m3 dans cette nappe en 2015. Ces autorisations compensant en fait au-delà des 200 000 m3 de diminution de prélèvement dans la nappe GTI annoncée dans la communication de Nestlé. Ces deux éléments ont perturbé un certain nombre de participants, dont les élus et des représentants de l'État. D'autant plus que les services de l'État ont refusé de missionner le BRGM pour préciser aux associations les réelles disponibilités de cette ressource. Alors, les associations réclament qu'une étude complémentaire examine plus finement cette alternative avant toute décision. Initialement, une réunion de la CLE était envisagée en janvier 2018. VNE a rappelé par courrier la présidente en demandant par ailleurs une nouvelle entrevue au préfet qui a changé début janvier, au président du conseil départemental. Pas de réponse jusqu'à présent, mais on nous annonce une réunion du comité de pilotage du schéma directeur des ressources en eau, ce compte qui a eu lieu le 20 février et la tenue de la CLE le 15 mars. Voilà, je poursuis, enfin c'est plutôt VNE qui poursuit. 2017, durant l'inventaire, les affaires continuent. Les deux industriels se lancent dans une phase de séduction en faisant visiter aux associations, leur usine, le 4 mai, pour l'Ermitage, le 6 juin, pour Nestlé Water. Le CSR, j'ai du mal de savoir les abréviations, ce que ça veut dire, du Grand Est, après une mission d'écoute des différentes tendances de la CLE, remet un avis public sur la préservation de la ressource en eau des GTI. Ce rapport fustige l'attitude des politiques du département en charge du dossier depuis 40 ans et dénonce la gouvernance de ce dossier, véritable contre-exemple dans sa gestion en soulignant les conflits d'intérêts. En juin 2017, VNE a participé à l'éco-festival des Voivres où elle s'est livrée à une première conférence gesticulée sur l'eau afin de préparer 2018. Voilà, donc c'est des informations qui datent d'un certain temps, mais le problème n'est toujours pas résolu de cette fameuse nappe des Trias, des grues des Trias. Hein, aujourd'hui, bien sûr, les industriels prélèvent dans la nappe phréatique, la nappe des Trias, donc beaucoup plus que s'il devrait être, et les citoyens sont invités à se serrer la ceinture pour compenser et puis fournir de l'eau. Hein. Sait-on aussi que l'eau de Vittel qui est fournie en Allemagne vient de cette directement épuisée dans cette nappe phréatique, hein, sachant que c'est plutôt de l'eau de source véritable que de l'eau de Vittel avec ses propriétés minérales. Voilà, il fallait quand même en parler, profiter un peu de l'été, parce qu'en été, bien sûr, on consomme beaucoup d'eau, et pourquoi pas de l'eau minérale. Et bien sûr, il faut savoir d'où vient cette eau, comment les conditionner, et puis, savoir aussi que la ressource en eau n'est pas inépuisable, et que, quel que soit l'assoiffement des populations, il faut quand même faire la part des choses et puis préserver cette richesse qu'est la nappe des Trias, pardon. Voilà ce qu'il fallait dire aujourd'hui. Je vous laisse méditer au cours de cette journée que je vous souhaite la meilleure possible et je vous donne rendez-vous jeudi prochain si tout va bien.